Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème, et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, la fin du monde et nous, tous survivalistes. Une série de Nejma Bouakra réalisée par Yvon Croisier. Au départ de cette série, il y a le réchauffement climatique qui nous murmure la fin du monde à l'oreille et tout un tas de scénarios catastrophes avec épidémies, pluies de sauterelles, comètes folles, famines et guerres civiles. Mais la peur, parfois, génère aussi des idéologies terrifiantes. Alors pour commencer, les personnages. Un pro du combat, des sentinelles potentielles, un blogueur qui croit au chaos, des hommes qui sont prêts, un homme qui vit dans la peur, un Suisse aux idées suprémacistes, un blogueur darwiniste et sans pitié, une philosophe qui scrute l'autodéfense, un sociologue face à l'irrationnel et un collapsologue qui reste ouvert. Ensuite le décor, un salon de la survie, des échéances, des matraques, des pistolets à plomb, une matrice, des tasers, la légitime défense, un bunker, le plaisir des barreaux aux fenêtres, des coffres-forts, des munitions, des provisions, le grand remplacement et l'effondrement. Aujourd'hui, troisième épisode, on a les yeux qui piquent. Il y a une drôle de... On tousse, pourquoi ? Ça, ça doit être du lacrymogène. Quelqu'un qui a fait une mauvaise manipulation, je pense. Voilà. Ça arrive, hein. Mais bon, c'est un peu pénible. Quand on est entouré de professionnels, ça devrait pas arriver. Voilà. Nous sommes donc au salon de la survie. Derrière vous, un homme semble avoir succombé. Donc en fait, oui, c'est Bob. Donc c'est notre mannequin TECC avec lequel on fait des simulations de personnes multi-blessées, donc avec des hémorragies, avec une prise en compte prolongée dans un cadre tactique. Qu'est-ce que c'est un cadre tactique ? Alors un cadre tactique, c'est une zone d'attentat, ça peut être une zone de guerre, ça peut être une zone isolée. Et là, en fait, on va adapter notre stratégie des gestes à apporter entre la nécessité de traiter les décès évitables au combat et l'environnement qui entoure ce blessé. Qui peut-il être ? Là, j'aperçois sur son t-shirt noir une étoile rouge avec noté syndicat. Qui est ce Bob ? Bah Bob, ça peut être un journaliste qui est sur un théâtre de guerre. Bob, ça peut être un père de famille qui est au cinéma et puis une bombe explose. Bob, ça peut être vous en train de faire un reportage dans un salon du survivalisme. Voilà, ça peut être monsieur tout le monde. Tout citoyen peut être amené à porter secours à autrui ou à soi-même dans un endroit où il y a une normalité qui s'est effondrée. Alors aujourd'hui, sur le salon, on a croisé beaucoup de gens, nous, qui sont armés, hein, des professionnels, des gendarmes, des policiers, qui viennent en week-end, qui viennent en famille. Et c'est rassurant aussi de voir des professionnels qui peuvent agir en cas de problème sur le salon, même s'ils ne sont pas en service. Bah, c'est surtout ça l'idée, c'est d'avoir autant de sentinelles possibles dans notre tissu social, à même de réagir en cas de problème. Pierre Templard, votre blog se nomme « Survivre au chaos ». Le terme de chaos évoque une idée de question de vie ou de mort. Oui, effectivement. Le chaos est un terme qui a plusieurs significations. Ça peut être un chaos social, ça peut être un chaos économique, ça peut être un chaos, un état de guerre. Le terme de chaos implique généralement la disparition de la règle de droit. Et lorsque l'ordre public disparaît, eh bien, il est évident que la violence connaît une recrudescence importante et donc la sécurité des gens est d'autant plus menacée, oui, bien sûr. Pour un survivaliste ou quelqu'un qui, en tout cas, se prépare dans ce domaine, l'échéance, elle est permanente. D'ailleurs, vous pouvez demander aux gens qui vivaient à Saint-Martin, dans l'île de Saint-Martin, lorsque la catastrophe est arrivée. En l'espace de quelques heures, ça a transformé totalement leur existence et ils se sont retrouvés à la rue. Donc, pour eux, ça peut être considéré comme un chaos. Donc, voilà, on se prépare à tout. Le but, c'est d'être prêt à plus ou moins toutes les éventualités. C'est une sorte d'assurance, c'est essayer d'assurer ses arrières et sa vie autant que possible. Le credo survivaliste. Nejma Bouakra, Yvon Croisier. Qu'est-ce que vous faites? Vous m'enregistrez? Un choker électrique. Un choker électrique. Qu'est-ce que c'est un choker électrique? Alors un choker électrique est un objet de self-défense qui permet de paralyser temporairement un agresseur. Et du coup, la personne est hors d'état de nuire pendant 1 à 2 minutes, ce qui est amplement suffisant pour s'enfuir. Vous l'avez testé? On l'a testé malencontreusement. On l'a même testé sur des visiteurs du salon qui faisaient les courageux. On a une vidéo, c'est radical. Ils faisaient moins les fiers. Ils ont eu le droit à une réduction, donc ils étaient contents. Et là, ce que tente, ce qu'utilise ce monsieur à gauche? Ça, c'est un pistolet à plomb, c'est du loisir. Ça fait mal quand même. Ça fait très mal. C'est pas fait pour tirer sur les personnes. Bon, on a le pistolet lacrymogène, la bombe lacrymogène, le choker électrique, la matraque télescopique que tient monsieur. Elle marche bien? Ça a l'air, oui. Je pense. Ouais, ça a l'air efficace. Est-ce que vous êtes un survivaliste? Effectivement, j'en suis un. Enfin, bon, je me définis comme un survivaliste, c'est-à-dire que je pratique toutes les méthodes qui permettent l'autonomie pour éviter de dépendre du système et pour sortir de la matrice. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où c'est qu'on est dépendant, il peut y avoir des crises, la preuve, les gilets jaunes, actuellement, c'est une crise majeure. Et je pense qu'il est intéressant de se montrer un citoyen prévoyant. Aujourd'hui, moi personnellement, quand je me balade dans la rue, j'ai pas forcément confiance, donc le manque de confiance fait que à un moment donné on sera obligé d'être autonome, et donc autonome dans la rue, ça passe par l'acquisition d'un certain nombre de méthodes et de matériel d'autodéfense. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un survivaliste? L'intelligence, il faut savoir lier des liens, il faut être intéressé, curieux, aimer la nature, je pense, aimer l'écologie aussi, aimer l'indépendance. C'est les principales qualités, je pense, quoi. Et puis aussi du courage et de la condition physique. Voilà, parce qu'en fait, sans condition physique, on fait rien, quoi. Pierrot Son Giorgio, vous êtes un homme athlétique? On essaye, malgré l'âge et malgré ma grande gourmandise. On fait ce qu'on peut pour essayer de se tenir en forme. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Je fais de la natation, du fitness en salle l'hiver, de la marche l'été dans ma montagne, des arts martiaux également. Je pratique en fait du système russe. Bien qu'en ce moment, depuis une année et demie, je fais surtout de la boxe thaï. L'âge faisant, nous essayons, j'essaye de me maintenir en forme. Oui, vous avez remarqué mon t-shirt. C'est un cadeau d'un ami israélien qui est dans l'armée israélienne. C'est un t-shirt martial d'une unité des forces spéciales. J'ai beaucoup de contacts avec les membres des forces spéciales et des militaires et de la police du monde entier, y compris en France d'ailleurs. En Suisse, nous sommes un pays où les citoyens ont cette tradition de citoyens en armes, donc miliciens. Et nous sommes quasiment tous armés chez nous, donc nous avons cette notion du citoyen libre qui est libre parce qu'il sait se défendre, parce qu'il sait défendre son pays. Et nous pensons en Suisse, et les survivalistes abondent dans ce sens, que la défense est fondamentale dans la liberté du citoyen. Nous avons non seulement le droit de nous défendre, mais nous avons le devoir de nous défendre face à la tyrannie, face aux invasions, face aux crimes, pour défendre notre vie, nos biens et notre honneur. Je cite cette phrase qui est en fait dans les textes de loi du code pénal suisse qui autorise justement par la légitime défense le citoyen à se défendre. Alors il s'agit bien de défense et non pas d'offense, non pas d'agressivité. Il s'agit au contraire de faire en sorte que le combat soit le plus tard possible ou l'éviter le plus possible, mais qui nous amène la liberté par la victoire. Oui, c'est un combat jusqu'au bout. Il s'agit de gagner. C'est un combat à mort? Pas forcément à mort, bien que d'ailleurs même dans la loi, la légitime défense nous autorise à faire cesser la menace. Si le fait de faire cesser la menace implique la mort de l'agresseur, c'est malheureux, mais c'est comme ça. fût-il nécessaire de tricher pour en arriver là. Et ça c'est dans ce qu'on nous apprend à l'armée en Suisse. Et d'ailleurs, je crois que les Israéliens utilisent le même dicton, toujours tricher, toujours gagner, car en fait, la défaite signifie l'esclavage. Et ça, c'est intolérable. L'esclavage par qui ? L'esclavage par l'État, l'esclavage par l'ennemi, l'esclavage par l'envahisseur, que sais-je ? Je veux dire, malheureusement, notre histoire européenne, mais aussi l'histoire du monde, elle est pleine de peuples qui envahissent d'autres peuples, qui les mettent en esclavage, qui généralement tuent les hommes, violent les femmes. Et c'est atavique. Malheureusement, l'être humain reste ce qu'il est. Nous avons la chance aujourd'hui de vivre dans un monde qui reste, en tout cas en Occident, très pacifique. C'est pas le cas dans d'autres pays, malheureusement. Comme disaient déjà les Latins, celui qui veut la paix doit savoir préparer la guerre. Pierre Templard, vous pensez qu'en chacun de nous sommeille un guerrier ? Je pense qu'effectivement, l'instinct de lutte, l'instinct de combat, est un instinct qui occupe une place importante dans la psyché de l'homme. Et donc, je pense que cet instinct, actuellement, il est masqué par une couche épaisse de vernis civilisationnel. Et que il suffirait d'un événement un petit peu extraordinaire pour que cette couche de vernis craque et laisse apparaître la véritable nature de l'homme, mais disons la nature la moins favorable, quoi, disons. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille être dénué totalement de compassion envers son prochain, mais je crois qu'effectivement les gens qui sont trop naïfs, qui sont trop gentils, qui ne sont pas prêts à se défendre et qui croient en la bonté naturelle de l'homme, je crois que ces gens-là vont avoir des surprises. Et de mauvaises surprises, effectivement. De quel ordre ? De quel ordre c'est, qu'ils vont avoir à défendre leur vie. Et s'ils ne savent pas comment faire, eh bien oui, ils vont avoir des problèmes, certains, parce qu'ils auront en face d'eux des gens qui, eux, par contre, auront peut-être appris à se battre et qui choisiront également leur proie à dessein. Si l'on montre une trop grande faiblesse, on devient obligatoirement la proie des prédateurs. La question, c'est qu'évidemment, se développent des logiques de défense de la vie qui se mettent en place et qui se mettent en place depuis des positions idéologiques très différentes, en fait. Elsa Dorlin, philosophe. La question de la défense de la vie, de l'autodéfense, elle se pose parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue politique, l'idée n'est pas, par exemple, de lutter pour de meilleures conditions de travail, mais pour lutter pour garantir la survie, sa propre survie. Mais dans ce cas-là, la défense sera forcément légitime. Il n'y a plus de règles de légitimité ou d'illégitimité. C'est vraiment la défense de sa propre vie, donc c'est le droit de conservation de soi qui demeure. C'est vraiment la mythologie des derniers hommes, en fait. Hein. Et donc, du coup, la question du surhomme, mais celui qui aura survécu après la fin du monde. Et je peux tuer celui qui voudra prendre le dernier épi de maïs qui me restera en le tuant à main nue. On est entre l'état de nature de Hobbes et le darwinisme social. Hein. C'est le seul... Les meilleurs survivront. Donc les plus aptes à survivre, en fait. C'est ça que ça veut dire. Le survivaliste est l'élu de la fin du monde. En tout cas, c'est la personne qui a compris avant les autres l'urgence de se préparer, l'urgence des temps qui viennent. Bertrand Vidal, sociologue. Le survivaliste a anticipé, plus que compris même cette urgence. Il sait quoi faire dans toutes les situations, si bien que, en fait, le paradoxe essentiel du survivalisme, c'est que ce sont des individus qui vont se préparer à quelque chose de lointain, de l'ordre de l'imaginaire, donc je vais dire de quelque chose d'irrationnel, mais qui vont appliquer à cette préparation quelque chose de très rationnel. J'imagine que demain, ça peut être l'effondrement, la catastrophe, le désastre, ça peut être un krach économique, une invasion migratoire, ça peut être une invasion de zombies, mais vraiment à The Walking Dead, quoi, ce qu'on voit dans le cinéma catastrophe, les séries catastrophes contemporaines, est vraiment quelque chose de très fantastique. Chez certains, même au départ, quand j'ai étudié la culture survivaliste, certains parlaient d'astéroïdes qui allaient amener des virus, qui allaient nous tuer, etc., etc. On est dans quelque chose de très hollywoodien, irrationnel. Mais à ce fantasme, ils vont appliquer quelque chose de très rationnel aussi. Combien j'ai besoin d'apports journaliers en termes de calories, combien j'ai besoin de litres d'eau pour me sentir bien, pour pouvoir survivre une journée, pour pouvoir survivre une semaine. D'un côté, il y aurait la civilisation des cigales, nous-mêmes, en fait, qui vivons dans un système consumériste. Et ensuite, il y aurait les, enfin, en tout cas, il y aurait les survivalistes, les fourmis qui auront compris l'urgence de se préparer, qui auront compris quelque chose arrive de négatif et donc qui auront accumulé des réserves, qui auront su s'organiser en colonie, qui auront su préparer l'hiver à venir. Loïc, nous sommes chez vous. Pourquoi vous avez choisi cette maison ? Comme j'étais déjà dans l'optique prépeur survivaliste, j'ai allié les deux, donc une maison avec un jardin suffisamment grand pour potager, planter des arbres et aussi pouvoir accueillir du monde. Vous l'avez également choisi en fonction d'une certaine configuration. Alors j'ai eu le coup de cœur parce que c'est une maison qui a appartenu à un ancien bijoutier. Donc, et ce monsieur avait stocké des bijoux dans sa maison. Donc il avait pris des mesures de sécurité en renforçant la maison. Donc vous avez des barreaux à toutes les fenêtres. Vous aviez le coffre-fort en bas, les portes renforcées, je vous montrerai. C'était, nous quand on l'a acheté, on a dit oh, c'est un petit bunker. Mais de l'extérieur, ça, on n'y fait pas d'attention. Mais quand même, au début, pour faire plaisir à la femme, je disais on va couper les barreaux, quand même, ça faisait peut-être trop. Et finalement, on se sent super en sécurité avec. C'est-à-dire, vous, en plein été, la nuit, vous pouvez laisser vos fenêtres ouvertes. Vous savez que personne ne rentrera chez vous. Parce qu'on est quand même en banlieue parisienne. On n'est pas non plus dans une petite campagne paisible. Et il y a des cambriolages dans le coin. Donc c'est vraiment agréable comme sentiment. Parce que vous voyez, par exemple, là, on va dire la fenêtre, là. Ah, il n'y a pas de barreaux, là. Pas de barreaux, mais il y a un rideau métallique. Et ça, vous voyez, de l'extérieur, c'est super discret. Mais je le mets pas la journée, je le mets quand je pars en vacances. Ça, c'est pas mal. Si quelqu'un arrive à entrer chez vous, qu'est-ce que vous avez prévu ? Avec moi à l'intérieur, il serait très très mal, parce que moi, je dors, j'ai un coffre-fort à côté de mon lit, je peux vous montrer, où j'ai tout ce qu'il faut pour l'accueillir. À première vue, Pierre Templard, on ne s'aperçoit pas du tout que l'on est dans une maison de survivalistes. Effectivement. Bon, ça ne veut pas dire que la maison ne soit pas protégée. Hein, mais c'est vrai que, n'ayant pas pu choisir la maison comme je le voulais, eh bien, j'ai tout misé sur ce qu'on pourrait appeler la défense intérieure. Oui, absolument. Ce qui est important, c'est que personne ne peut se douter ici que vous savez vous protéger. Oui. Enfin, rien ne pourrait amener à leur faire penser que dans cette maison vit un survivaliste, absolument. Hein? Donc si par exemple on veut installer chez soi une porte blindée, il faut s'assurer qu'un intrus éventuel ne soit pas en mesure de rentrer très facilement en escaladant un arbre jusqu'au toit, en installant une échelle et en cassant une vitre, un carreau d'une salle de bain au premier étage. Rien ne sert d'avoir une porte blindée si, à côté de cela, vous avez une fenêtre avec une simple vitre qui peut être brisée. Je veux dire, on peut très facilement préparer à l'avance des cadres grillagés pour les fenêtres aux dimensions exactes. Et deuxièmement, du film plastique noir que l'on met à l'intérieur pour dissimuler nos propres déplacements. Il faut bien savoir que si le courant a disparu, si vous allumez une lumière à l'intérieur de chez vous, vous allez être repéré comme le nez au milieu de la figure. Et les gens qui sont à la recherche de nourriture ou de quoi que ce soit, ils vont venir en premier vers chez vous. Parce qu'ils vont se dire, si cette personne-là a de la lumière, ça veut dire qu'elle est prévoyante, ça veut dire qu'elle a dû prévoir le reste. Donc elle va venir frapper chez vous en premier. Là, chez vous, Pierre Templard, je vois une grande baie vitrée, des tas de fenêtres et de petits carreaux. Je me sens pas du tout à l'abri. Si le cas devait se présenter, la première des choses que je ferais, c'est de fermer les volets. La deuxième chose que je ferais, c'est que je monterais soit un mur de pierre ou des sacs de sable entre la fenêtre et le volet proprement dit, de manière à me protéger des projectiles éventuels venant de l'extérieur. On peut, si on a la chance de disposer d'un jardin, on peut très bien garder un tas de sable dans le jardin. Par exemple, on peut le faire passer pour un bac de sable pour les enfants, je veux dire, pour le mettre dans des sacs pour protéger la maison. Et sur combien de mètres ? Un mètre 20, 1,50 m, parce que c'est la hauteur qui est susceptible de nous protéger lorsqu'on se baisse pour se déplacer, quoi. Cette muraille éventuelle que l'on pourrait monter pourrait nous servir à nous protéger en étant à l'intérieur si nous avions à tirer vers un objectif, vers une cible qui serait à l'extérieur. Donc ça nous apporterait, disons, un couvert, ce qui est le plus important dans ce cas-là, quoi. Vous voyez, si quelqu'un veut rentrer, le bruit, le chien, moi je dors ici. J'ai un coffre-fort. Donc j'ai toujours celui-là, toujours disponible. Vous avez différentes cartouches. Vous avez du caoutchouc, du petit plomb à lapin. Et là après, si c'est vraiment... S'il veut encore rentrer avec ça, si vous avez quelqu'un, vous avez un psychopathe ou un... C'est une carabine ? Ça, c'est un fusil. Fusil de chasse, tout ce qu'il y a de plus classique, avec le canon qui a été un peu raccourci... qu'il soit moins encombrant, c'est radical. Si vous tirez, vous allez le sentir dans l'épaule. J'ai ça, une carabine en 308. J'ai celle-là, adaptée pour une femme, en 222. Aucun recul. Et celle-là, j'ai acheté pour ma femme. Elle sait s'en servir ? Non, pas encore. Non, je viens de l'acheter il y a 2 mois, mais il n'y a rien de plus simple. Hein. Vous mettez la cartouche. Jusqu'à 4 cartouches, vous réarmez, vous enlevez la sécurité, vous visez là-dedans, vous ne pouvez pas louper. Hein. Je l'ai pris pour ça. Simple, très simple d'utilisation. Mais il faut être un petit peu éloigné, non ? Parce que si la personne arrive devant vous, c'est inutile. C'est pour ça que ça, c'est mieux. Parce que ça, vous pouvez envoyer des cartouches de plomb. Là, même si vous ne visez pas bien, je fais comme ça, je tire comme ça, ça va vous envoyer une gerbe de plomb. Comme le canon en plus est raccourci, ça va s'écarter plus facilement, donc c'est radical. Avec soit des boules caoutchouc, soit du petit point lapin, vous le blessez. Après, de toute façon, si quelqu'un force la porte en pleine nuit, je ne mettrai pas du caoutchouc. Mais quand il suffit de lire les faits divers, moi j'ai des enfants qui dorment à l'étage, j'ai ma femme. Quand on voit qu'il y en a qui viennent, qui cambriolent, qui trouvent le moyen de violer, des fois pour sortir avec 50 euros dans la maison, c'est. Après, j'aurai des problèmes. Hein. Ça, c'est. Mais bon, vaut mieux avoir des problèmes avec la justice que peut-être pas perdre la vie, mais d'avoir sa femme qui s'est fait violer ou ses enfants traumatisés. Donc, j'assume. Vous entrez. Mais ils sont toutes légales, hein. Elles sont déclarées. C'est très facile d'avoir des armes en France. Hein. Contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire quand on lit les faits divers. Waouh, quelqu'un a été trouvé, il a 50 cartouches chez lui, il avait 2 fusils. Mais c'est, je vous assure, hein, quand vous connaissez le milieu des armes, c'est ridicule. Après, le seul risque des gens qui stockent vraiment beaucoup, c'est... le jour où ils se font cambrioler. Mais c'est le risque. C'est pour ça qu'il faut... Ça, j'ai là. Les munitions sont dans un coffre encore plus gros en bas. Je vais vous montrer en bas. C'est un... Allez. C'est mon petit univers. Et avec une fenêtre. En réalité, il n'y a pas de barreau. C'est la celle de la chambre à mon fils. Mais c'est pour une question de sécurité incendie, quoi. Parce qu'un jour, vous vous retrouvez complètement enfermé et il y a le feu, vous êtes mal. Si vous n'avez pas une autre sortie que la porte... C'est marrant parce que j'ai ma fille qui aime déjà... Elle voit les armes et elle adore déjà, veut déjà apprendre à tirer. Je dis, mais tu sais, t'as 5 ans, t'es encore un peu petite, mais papa, il t'en achètera une quand tu seras un peu plus grand... petite 22 pour apprendre à tirer avec un silencieux ou mettre un petit calibre, aucun recul. Faut faire ça intelligemment, mais je pense 6 ans, on va commencer, elle en a envie, donc elle tirera un petit peu dans le jardin. C'est pas mal pour apprendre. Je compte pas sur ma fille de 6 ans pour défendre la maison, donc, mais c'est un long processus l'apprentissage de toute façon. Donc, mais elle va apprendre, hein, ça c'est sûr. Hein. Pablo Servigne, collapsologue et chercheur interdépendant. Pourquoi est-ce que survivalisme et armes font-ils si bon ménage? Et quoi? Et armes? En France... Il y a un courant réactionnaire en France. Enfin, ce qu'on appelle réactionnaire, c'est-à-dire propriété, armes... Repli sur soi, identité... je pense que c'est un des écueils, un des risques de rester bloqué dans cette posture de peur et de repli sur soi. Je pense que c'est assez naturel, c'est assez logique de ressentir ça. Même moi, s'il m'arrive de le ressentir. Le problème, c'est quand ça devient pathologique, c'est quand on reste bloqué là-dedans. Oui, on peut se retrouver dans des logiques d'exagération, du repli, de la défense, de l'identité, puis de la peur de l'autre, de l'étranger, tout ça. Alors, dans les besoins de base, parce qu'on parle de survie, survivalisme, dans la survie, il y a ce schéma largement partagé de des besoins de base, la pyramide de Maslow. Il veut que les besoins de base, c'est manger, de l'eau, dormir, et la défense, la sécurité. Effectivement, la sécurité, c'est un des besoins de base de l'être humain. Et voilà, quand on creuse la question et qu'on veut protéger sa famille, et qu'on voit plein de films hollywoodiens, qu'on est dans cet imaginaire post-apocalyptique, individualiste, violent, je dirais même masculin, tourné vers l'action, et voilà, on arrive à s'intéresser aux armes. C'est assez logique, en fait. Le survivalisme est comme une prolongation de la pensée moderne, une pensée matérialiste, stocker des objets, une pensée déconnectée de la nature, du vivant, penser qu'on peut s'en sortir tout seul, que voilà, avec un couteau et puis un bon sac à dos, on peut survivre. Je caricature, hein, mais on est dans cette extension et du chacun pour soi, de la guerre de tous contre tous. Et ce qui est intéressant en France, et c'est très différent du mouvement aux États-Unis, je pense, c'est qu'on a beaucoup de gens qui pourraient être catégorisés survivalistes, mais qui veulent même pas s'appeler ou être appelés survivalistes parce qu'ils sont dans des stages d'immersion dans le sauvage, de retour à la nature. Il y a plein de mots pour dire ça. Ils sont dans cette démarche d'interdépendance, de lien avec la nature. Et finalement, je pense que les survivalistes qu'on craint un peu du repli identitaire, qui s'arment et qui ressemblent aux Américains, je pense qu'ils sont assez minoritaires en France. Voilà. Mais c'est une crainte parce que c'est une ombre de notre société. C'est une sorte de prolongation exagérée de monstres, de nos défauts, de notre société. Mais ils sont là. Enfin, on a tous un survivaliste en nous. Là, c'est mon sous-sol. Ça, c'est ma petite réserve. Là, avec ça, on peut tenir déjà un petit moment. Et pour ce qui est conservation encore plus long, vous avez là sous vos pieds, vous avez une fosse en réalité en dessous que le monsieur avait fait. Et là-dedans, j'ai des conteneurs avec, pour l'instant, il y a 66 kilos de nourriture non conservation. Donc il y a de quoi faire à peu près un pour 4 ici, facilement 5 mois de repas par jour pour 4 adultes. Mais je vais augmenter le stock parce que le but, c'est de pas rester à 4. J'ai de la famille qui est censée venir au cas où. Voilà. Ça fait bizarre hein, quand on dit ça, mais des fois, les gens, quand je leur raconte... Oh. Moi, surtout au travail, on me dit, mais Loïc, t'es pas un peu fou? Non, non, non, c'est juste une assurance. Et si je pousse... Vous voyez, j'ai des containers en dessous. Hermétique. Il n'y a pas d'oxygène. J'ai enlevé tout l'oxygène qu'il y a dedans. Et la nourriture se conserve 30 ans. Quand même. Mais il faut que ce soit que des aliments secs. Pas d'humidité. Hein. Qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver tellement de choses. Mais tellement, ça peut être une simple inondation qui se passe quelque part. Où vous voyez, les gens, dès qu'ils sont un peu inondés, donc il n'y a plus d'eau potable. En général, c'est ce qui se passe. Je ne parle pas des gens qui sont vraiment inondés, qui sont touchés, qu'il faut aider. Mais les gens, tout de suite, ils n'ont pas d'eau potable. Et ils attendent la mairie. Il faut que la mairie vienne nous livrer de l'eau. Comment on va faire? Et si on ne leur livre pas vite des packs d'eau, ils sont scandalisés parce qu'on ne vient pas vite les aider. Et pour moi, ça, c'est un raisonnement qui n'est pas normal. Les gens, ils devraient avoir de quoi quand même tenir. Ils sont pas obligés d'aller sur des mois, mais quelques jours quand même pour tenir un peu d'autonomie. Quoi. Bertrand Vidal. Aujourd'hui, en fait, nous n'avons plus foi en l'avenir. Nous n'avons plus foi au mythe qui a fondé notre croyance en un avenir meilleur, radieux. C'est-à-dire, nous n'avons plus foi au mythe du progrès. Nous sommes dans quelque chose de l'ordre du regret. mais aussi c'est se méfier de quelque chose qui pourrait nous contrôler, qui pourrait aussi nous maîtriser. Et cette chose dont les survivalistes se méfient, c'est ce qu'ils appellent le système. Le système, donc, c'est un mot, en fait, attrape-tout, un mot dans lequel on pourrait tout faire accorder, en fait. Et donc, ça peut être l'État, ça peut être l'autre, ça peut être l'économie de marché, ça peut être plein de choses. Et en fait, le survivalisme, pour moi, est une culture de la méfiance et non plus de la confiance telle qu'on les avait connues jusqu'alors. Elsa Dorlin. Soit on a cette idée qu'il faut traverser cette épreuve de la fin du monde et survivre après et fonder après une communauté. Donc avec les meilleurs, ceux qui auront survécu. Soit il y a cette idée que, en attendant la fin du monde imminente, il faut garder en fait un territoire, s'enraciner dans un territoire et le défendre coûte que coûte, créer vraiment une espèce de forteresse en fait vis-à-vis du monde extérieur, survivre dans des enclaves en fait à la Mad Max quoi. Il y a cette idée vraiment de d'enclaves qui sont gardées et avec également des formes de développement paranoïaque sur le fait que cette enclave sera forcément un objet de désir qui suscitera en fait des attaques permanentes des autres qui voudront eux aussi survivre et profiter de ces derniers espaces où la vie est possible. Là, on est plutôt sur l'idée de, encore une fois, d'occuper un lieu et de le maintenir et de le garder comme une réserve. C'est ce qu'on appelle une base autonome. Une réserve de vie. Ma stratégie personnelle, c'est cette idée de se mettre dans un endroit où on peut créer son autonomie par notamment le potager, la source d'eau, le puits, le fait de cultiver, d'élever peut-être des animaux, etc. Pour d'autres, ça va être la vie dans la forêt, par exemple, ce qu'on appelle bushcraft, pour prendre un mot anglais, qui est celui de l'art de vivre dans la nature et dans les bois. Alors ça, c'est pas ma stratégie personnelle, parce qu'avec une famille, 4 enfants, eh bien, c'est pas forcément la stratégie la plus confortable. Mais il y a plusieurs écoles dans le survivalisme à travers, effectivement, le monde. Ce sont des vieilles traditions d'être indépendant, d'être autonome. Et il s'agit de recréer, mais peut-être avec une version un peu plus moderne, au fond, ces communautés, comme on a pu le voir dans les années 60, 70, de gens qui quittent peut-être les villes, qui peuvent garder un travail normal, entre guillemets, mais en même temps préparer à la maison, dans ces lieux ruraux, à la campagne ou dans des fermes, finalement, de quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille de manière autonome, de manière indépendante et surtout beaucoup plus saine. Si moi, je suis devenue une survivaliste dans une base autonome et que je sais que mon voisin dans une base autonome un peu plus loin, Piero San Giorgio, a vraiment réussi à acquérir une forme d'autonomie, d'anticipation beaucoup plus intéressante que la mienne, j'aurais tendance peut-être moi-même à vouloir l'attaquer. Comment ça va se passer entre survivalistes, entre ceux qui auront mieux anticipé le danger que d'autres? Parce qu'en période de pénurie, chacun pour soi, si j'ai bien compris. Alors, la question en théorie, elle est valable, mais en pratique, elle est absurde et vous la faites par taquinerie. Mais la réalité, c'est qu'entre des gens armés, qui ont des amis, qui ont des relations dans un village, ça se passe comme ça s'est toujours passé entre des gens libres et armés dans les villages depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'on se respecte parce qu'on peut jamais savoir, si on commence à avoir des attitudes agressives envers d'autres personnes qui sont capables de se défendre, on sait comment ça commence, mais on sait pas comment ça va finir. Qu'est-ce que c'est ces drapeaux Liberty of Death? Ça, c'est le drapeau survivaliste. Alors évidemment, j'aimerais bien l'accrocher dehors, mais si vous l'accrochez dehors, ça veut dire venez, garde-manger à la maison. Donc, mais je trouve que c'est pas mal, quoi. C'est la liberté ou la mort. Si vous marchez dessus, je vous mords, quoi. C'est ça. Donc, passez votre chemin, quoi. Et c'est exactement ça. Je trouve que ça correspond très bien. Est-ce qu'on peut compter sur les autres survivalistes? J'ai jamais invité un survivaliste ici. Et je lui montrerai pas ce que je vous ai montré à vous. On sait jamais. Ça peut être quelqu'un de très bien. Mais à partir du moment où vous avez quelqu'un qui a des armes, vous savez pas qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, non. L'intérêt surtout, c'est d'être discret. Je mets pas un panneau sur ma maison, Carrefour Market, venez chercher la nourriture. Le but, c'est vous payez pas de mine, quoi. si vous n'êtes pas discrète, de toute façon, il y a un moment n'importe qui. Hein, vous pouvez être 3-4 armés. À un moment, si les gens ont faim, ça va pas être 10 personnes qui vont venir, ça sera 100 ou 150 et vous serez pillés. Puis c'est fini pour vous. Hein. Donc voilà. Mais j'ai tout ce qu'il faut. Vous voyez, j'ai aussi du matériel divers. J'ai du gaz, j'ai des bonbonnes de gaz aussi de l'autre côté. Tout bête, parce que moi je me chauffe à l'électrique. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai une coupure électrique? C'est ce qui peut arriver. Hein, quelques jours sans électricité. Je vais frapper à la mairie. Loïc, il a de quoi faire à manger, d'être autonome. J'ai de la lumière, des stocks de piles. Vous voyez, là. Le stock en signe. Ça, c'est pas moi qui l'ai mis, mais c'est l'ancien propriétaire. Le coffre-fort. Vous voyez, on n'imagine pas. Quand j'ai acheté, je ne l'avais pas vu. Et là, c'est vraiment du costaud. Moi, pour l'instant, je stocke des munitions dedans. Je pense qu'au moindre incident, sans que tout s'effondre, hein, ça peut dégénérer très très vite. C'est les magasins qui sont plus approvisionnés. Il suffit de quelques jours. Hein, et les magasins sont vides et les gens sont en panique. Ils seront en panique dès qu'il n'y aura pas à manger. C'est un scénario qui n'est pas si fantaisiste que ça. Hein, Comment vous faites pour préparer ça avec vos enfants? Parce que vos enfants sont petits, donc est-ce que vous ne leur faites pas peur? La fille de 5 ans, elle y voit de la curiosité, ça l'amuse. Même quand je faisais les sachets de provisions que je scellais avec un fer à repasser, ça, elle voulait m'aider. Elle y voit ça comme un jeu. Elle appelle ça la réserve de guerre. Hein. Ah, papa. Et je lui ai dit, une fois, je sais plus, elle me demandait, papa, pour venir jouer avec elle. Et je lui ai dit, non, j'avais pas le temps. Et elle me dit, mais papa, si tu viens pas jouer avec moi, je vais dire à tout le monde que t'as une réserve de guerre. Je fais, non, Julia, il ne faut pas s'amuser à ça. Scénario survivaliste, je vous propose un scénario survivaliste. Elsa Dorlin, une situation de concurrence face à la ressource rare, probablement une guerre civile. Dans ce cadre-là, toute défense semble d'emblée légitime. Dans ce scénario-là, toute défense est d'emblée légitime. De toute façon, on est, même d'un point de vue philosophique, on est dans une situation d'état de nature tel qu'il est décrit par Hobbes dans Léviathan. Puisque l'État soit s'est effondré, soit est en passe de s'effondrer, soit est considéré comme complice dans une certaine mesure de cette situation pour le fait de ne pas avoir agi ou de ne pas avoir trouvé les bonnes solutions ou d'avoir été dans des formes d'acquaintance avec les responsables de cette situation, etc., etc. Mais enfin, pour une raison ou une autre, on est vraiment dans une forme où on retire à l'État son devoir de nous protéger, donc faire en sorte qu'il y ait une forme de maintien de forme vivable en communauté. Certains, effectivement, s'accaparent les ressources et prennent les armes pour les défendre. Le seul souci, c'est que dans toutes les expériences politiques passées de cette idée d'un droit de légitime défense où seuls certains peuvent survivre, par exemple, dans un environnement hostile, qui est un imaginaire qui est très, très répandu dans toutes les théories du vigilantisme aux États-Unis, sur la question des pionniers, par exemple, contre la nature sauvage, qui comprend également les Premières Nations américaines, eh bien, va donner cette idée qu'on peut se faire justice soi-même, il faut s'approprier les terres, puisqu'il n'y a plus de droit ou de loi qui concerne la question foncière. Et à partir de là, on est dans des théories qui donnent un blanc-seing pour des pratiques d'auto-justice ou d'armement, en tout cas massif. Je pèse mes mots et je pense que de plus en plus, les États ont tendance, s'ils ne sont pas contrôlés par les citoyens, de transformer les citoyens, non pas en objets, mais en bétail. Un bétail que l'on va traire et que l'on va parler les impôts pour faire vivre, en fait, la noblesse et le clergé. Sauf qu'aujourd'hui, elle ne s'appelle plus comme ça. La mise en esclavage, elle a toujours existé. En tout cas, la volonté de la mise en esclavage a toujours existé des gens puissants. Et les États sont des entités très puissantes. Le retour à la liberté individuelle par la capacité de se retrouver libre, par la production autonome de sa nourriture, de son eau, de son, évidemment, de sa maison, de son abri, et donc de se défendre, eh bien, rend les choses plus... Vous vous définissez comme libertarien ? On peut le dire, on peut le dire. C'est un terme qui vient des États-Unis également. Peu compris en France ou en Europe aujourd'hui, mais enfin, quelqu'un qui aime la liberté et qui souhaite que les toits soient le plus petit possible pourrait définir ce terme-là. Je crois que c'était Benjamin Franklin aux États-Unis qui disait que le prix de la liberté, c'est la vigilance éternelle. Mais peut-être était-ce Thomas Jefferson, mais bon, peu importe. Bertrand Vidal. Quand on parle de culture libertarienne, immédiatement, dans notre imaginaire, dans notre esprit, en fait, on a le cow-boy du Far West, en fait, qui est quelque chose qui revient beaucoup dans l'esprit survivaliste originel, celui des années 60. Mais en fait, on a cette idée immédiate. Don't tread on me, ne marche pas sur les pieds, dégage, va-t'en, en fait, n'empiète pas sur mon territoire. C'est Clint Eastwood, le cow-boy du Far West, le cow-boy, le shérif qui vient faire régner par ses propres moyens l'ordre, la loi et la morale, en quelque sorte. On est vraiment là-dedans dans la culture survivaliste, qu'elle soit celle des années 60, qui était un libertarianisme axé à droite, à l'extrême droite, en fait, qui souhaitait se protéger donc de la menace communiste, de la menace estudiantine, mais aussi de la menace migratoire, en fait. C'était tous ces imaginaires qui se développaient dans les années 60. Aujourd'hui, on est encore, en fait, chez les survivalistes, dans ce libertarianisme, et en fait, c'est particulier parce qu'on ne le connaît pas vraiment en Europe. Les libertariens, en fait, sont des individus qui veulent vivre le plus loin possible de l'État ou de ce qu'ils appellent des systèmes de dépendance qui font de nous des assistés, des prisonniers, parfois du confort, parfois du consumérisme et autres. Donc, être libertarien, c'est aussi se retirer de la civilisation, de la société et de ses normes et créer ces micro-utopies de survie. Donc sortir du système. Ce que disent certains survivalistes, c'est sortir de la matrice. Oui, je l'entends. Je suis en partie d'accord avec ça. Le souci, c'est que le système est... Faut-il évidemment aussi ne pas négliger ce qui est bon dans le système. C'est-à-dire que c'est quand même agréable d'avoir des hôpitaux qui fonctionnent, de l'électricité avec un clic sur un interrupteur, de l'eau courante, etc. L'État, c'est pour moi plus une nuisance et un problème qu'une solution. Parce que l'État, c'est la dépendance, par définition. C'est être dépendant des allocations, être dépendant des retraites, être dépendant de cotisations, d'un système de santé publique, etc. Alors parfois, c'est pratique, mais voilà. En revanche, l'État nous endette pour des générations et des générations. C'est l'État qui nous envoie dans des guerres contre la Libye, contre la Syrie, contre des pays qui nous ont rien fait et qui m'ont rien fait et pour qui j'ai plutôt de la sympathie et je vois pas pourquoi on nous embête. C'est l'État qui va subventionner toutes sortes d'ONG, d'associations qui sont néfastes ou pas, peu importe, mais c'est pas à l'État de financer sans ma décision. C'est l'État qui décide de faire venir dans nos pays des gens très différents de nous et qui vont probablement nous amener des problèmes sans nous avoir demandé notre avis. Et bon, la question n'est pas tellement la différence. La question, c'est qui a autorisé et qui a décidé. La différence, quelqu'un de différent d'une autre culture, qu'est-ce que c'est une autre culture? Une autre culture, ça peut être une religion, ça peut être une ethnie, ça peut être des modes de faire. Ça ne veut pas dire que la présence est absolument repoussante ou néfaste. Mais lorsque le 30 ou 40% d'un pays n'est pas de la culture ancestrale du pays, en cas de crise, et c'est dans ce sens-là que je l'entends, que se passera-t-il? C'est la théorie du grand remplacement. Oui, enfin bon, chaque fois que je prends le métro à Paris, j'ai pas l'impression que c'est une théorie. Et il n'y a pas qu'à Paris, à Genève aussi. En Suisse aussi, et aux États-Unis aussi, et en Europe, en Angleterre aussi. Pierre Templard, vous vous sentez menacé par l'arrivée de nouvelles populations en France et en Europe ? Personnellement, je ne me sens pas particulièrement menacé. Maintenant, j'ai peur que cela crée des problèmes à long terme parce que on va arriver à une société communautaire, pour utiliser le mot, donc qui va être morcelée culturellement. Enfin, 75% des naissances à Paris sont d'origine extra-européenne, donc ça c'est un fait. Et donc j'ai peur que effectivement à plus ou moins long terme cela entraîne des problèmes, mais bon Je sais pas, on verra bien. Vous savez qu'une partie du mouvement survivaliste est associée à l'extrême droite? Oui. Ah oui, moi j'ai même été militant quand j'étais jeune. Mais ça fait plusieurs années, je suis adhérent de plus aucun parti. Déjà, j'y crois plus. Voilà, mais oui, j'ai été ce qu'on appelle extrême droite. Vous avez fréquenté différents groupes? Mais moi, j'ai grandi dans une cité. J'ai bien vu qu'il y avait un problème lié à l'immigration, à la délinquance. Mais ça s'est fait, tant que j'ai grandi dans cette cité, pas trop. Parce que quand on grandit dedans, on s'en rend pas compte. C'est quand après je suis parti à l'armée, que je suis revenu et je me suis dit, mais la vie, c'est pas ça du tout. On est à côté de la plaque. Et oui, après, j'ai fait Front National, j'étais militant. J'ai même été candidat pour le MNR. À l'époque, c'était Bruno Maigret. J'ai même été à un moment, soit 2 ans, au bloc identitaire. Mais quand on prend de l'âge, on se rend compte qu'ils ont une idéologie qui n'est pas constructive par rapport aux perspectives d'avenir. Et ils sont à côté de la plaque. Ils sont sur une Europe blanche. C'était plus pour moi. À un moment, quand on prend un petit peu de maturité, on se rend compte voilà, c'est fini. Cette tendance de droite dans le survivalisme, d'extrême droite, ce qu'on appelle extrême droite... Quand j'ai commencé, elle était majoritaire. Vraiment majoritaire. Et au fur et à mesure des années, et au fur et à mesure que le survivalisme se développe, il y a de moins en moins d'extrême droite. Il y a toujours un noyau dur, hein, on le voit, il suffit d'aller sur les forums. Mais ça s'est beaucoup atténué. Hein. J'ai beaucoup de gens de gauche qui se disent, tiens, il manquait juste ce côté autodéfense que le survivaliste apporte et que les écologistes, par idéologie, refusent. Hein, Pablo Servigne ou d'autres qui se disent, non, il n'y a que la coopération, discuter. L'extrême droite apporte l'autodéfense, un peu. C'est un peu ça. Mais je pense que ça, c'est bien. Et certains, par exemple, je pense à quelqu'un qui a une certaine importance en Suisse, oui, Piero San Giorgio. Lui, par exemple, dit « Non, mais attention, je ne suis pas du tout d'extrême droite. » Ça vous fait sourire. Il joue sur les mots. Et pour le coup, je pense que oui, lui, vous ne pouvez pas classer au Rassemblement National. Pour lui, je pense que c'est trop light, pas assez libéral. Mais qui sont nos ennemis dans ce moment d'effondrement? Ah mais nos ennemis dans ce cas-là, c'est tout le monde. C'est la guerre de tous contre tous. Tout le monde essayant de survivre, essayant de trouver la nourriture pour se nourrir lui-même et pour nourrir sa famille. Et vous êtes sorti du bois? Oui, tout à fait. Je suis sorti du bois parce que... c'est peut-être pour ça que j'ai choisi le nom de Templar, vous voyez, parce que j'ai choisi de... je dirais pas de me dévouer, mais enfin, disons, de mettre... Mes compétences au service des autres. Et Pierre Templar, c'est un pseudo, nous sommes d'accord? Oui, c'est un pseudo, effectivement. J'aime bien l'idéal qu'il représente. C'est un idéal assez rigoriste, non? L'ordre donc des Templiers, c'est un ordre de moines guerriers? Oui, c'était des moines soldats à l'origine, effectivement. C'était des gens qui avaient fait vœu de pauvreté et de chasteté et qui avaient choisi par eux-mêmes de se mettre au service des autres. Sur la toile survivaliste, on trouve des héros. Et puis on voit des gens qui s'enthousiasment pour des personnages un peu barbus, solitaires, qui vont vivre dans la forêt. Oui, alors c'est une mythologie que renforce le cinéma, notamment d'Hollywood. Le héros qui s'en sort et qui sauve les autres dans une grande catastrophe. C'est une image qui est, à mon avis, dangereuse, car ce n'est pas l'individu qui fait la communauté humaine. Et je pense qu'une civilisation n'est pas faite par des trappeurs solitaires. Et donc, je crois que c'est une approche qui est un peu juvénile. Quel est votre plan, Pierre Templar, le vôtre? Mon plan, c'est de survivre, passer les premiers mois qui seront les plus difficiles, et pour ensuite, si je suis toujours en vie, et si Dieu le veut, pour offrir mon savoir et mes compétences à une communauté, et puis à partir de là, les groupes et les communautés se constitueront naturellement par affinité. Et d'attendre que les choses évoluent et qu'elles les aient repris un semblant de normalité, quoi, et d'ordre. Alors, c'est là où les écoles varient. Il y a des gens qui veulent reconstruire un monde, un retour au village médiéval. Mais bon, je leur fais remarquer que les gens, ils mouraient à 35 ans. D'autres, ce qui est mon cas, essayent de peut-être reconstruire une civilisation avec la technologie, avec le confort. Il y a des risques immenses dans ce monde moderne. Il y a des risques structurels, il y a des risques culturels qui peuvent le faire capoter. Et donc, dans ce cas-là, être capable de sortir du système ou, et c'est ce que je préconise plutôt dans mes livres, d'avoir un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur, nous permet d'être flexible et nous permet de retomber sur nos pattes. En revanche, ces événements très difficiles pour lesquels je me prépare, personnellement, je ne les souhaite pas. Il faut qu'il y ait la nécessité de la catastrophe pour que des hommes et femmes ressources survivalistes puissent constituer ces micro-sociétés d'hommes libres, c'est ça ? L'objectif, c'est ensuite de reconstruire une civilisation. Ce n'est pas juste de vivre avec ses trois boîtes de conserve et son potager dans son coin, parce que l'être humain est un animal à la fois grégaire, mais enfin un animal de meute. Il n'est pas un individu unique et isolé. La survie, c'est pas un intérêt. La survie, c'est un instinct. Elle répond pas à un désir de construire une société meilleure. La survie répond à un instinct. Les gens s'en apercevront à leur dépens le moment venu, parce que ils auront faim, ils auront soif, ils auront besoin de se défendre. Mais est-ce qu'on a encore cet instinct de survie quand ce qu'on aime disparaisse, quand la société devient extrêmement rude? Est-ce qu'on a encore envie d'être en société? Est-ce qu'on a encore envie d'être en vie? Oui. Oui, oui. Envie d'être en société, pas forcément, mais envie d'être en vie, oui, absolument. Ça va être une période extrêmement difficile, où la loi du plus fort va régner, la nature va reprendre ses droits, c'est-à-dire qu'elle va faire comme elle a toujours fait, éliminer les plus faibles pour garder les plus forts. Et que faites-vous des handicapés ? Ah, mais de toute manière, dans une société qui n'est plus en mesure d'offrir les facilités et les structures dont peuvent bénéficier les personnes auxquelles vous faites allusion, les handicapés. Oui, par exemple, mais pas uniquement les handicapés, les personnes malades, par exemple, des gens qui sont sous dialyse. Eh bien, il est évident que ils seront malheureusement parmi les premiers à disparaître en cas de problème sérieux. C'est un fait et c'est comme ça. L'effondrement, c'est pour bientôt ? Moi, j'ai l'impression qu'il est en cours, qu'il a déjà démarré. Et lorsque l'on regarde de manière objective les données, l'effondrement, il a commencé dans les années 70. Moi, j'ai prédit, parce qu'il fallait bien mettre une date, parce que sinon, c'est toujours demain, on rase gratis. Pour moi, l'effondrement rentre dans sa phase critique entre 2020 et 2022. Donc, nous y sommes. Conserver la vie, quitte à prendre les armes. Ça peut être une parole de gauche comme de droite. Voilà, mais désaffilier de l'histoire, désaffilier des traditions intellectuelles, culturelles, dans lesquelles cet énoncé, prendre les armes pour survivre, a émergé dans le ghetto de Varsovie, à Auckland, avec le Black Panther Party for Self-Defense, quand des hommes et des femmes étaient tué d'une balle dans le dos par la police, ou dans le sud des États-Unis contre le Ku Klux Klan. Désaffilier cet énoncé, en fait, de cette histoire bien précise des formes d'autodéfense, où finalement ce n'était pas la question des armes qui était importante, c'était la question de la vie qui était importante. Au sens où c'était pas riposter, par exemple, ou c'était pas maintenir sa vie, c'était tout simplement lutter et résister pour que d'autres formes de vie et une autre vie soient possibles. Parce que parfois c'était lutter en sachant très bien que de toute façon on allait périr. Et c'était pour juste ouvrir une brèche dans l'histoire pour que une autre forme de vie et une autre humanité puissent survivre à la catastrophe. Le Credo survivaliste, un documentaire de Nejma Bouakra et Yvon Croisier. Avec Elsa Dorlin, Bertrand Vidal, Loïc, Piero San Giorgio, Pierre Templard